تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية، والذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. Donc il dit, Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala, en expliquant ces versets 16 et 17 de Sourate Al-Hadid. Après qu'Allah Azzawajal ait parlé de la situation des croyants et des croyantes, de la situation et de l'état des hypocrites hommes et femmes dans l'au-delà, et ceci Allah Azzawajal a cité dans les versets précédents, cela amène, cela doit amener les cœurs à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à trouver de la quiétude face à l'immensité d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal a reproché aux croyants le fait de ne pas faire preuve de cette crainte. Il dit azza wa jal selon le sens: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? C'est-à-dire, le moment n'est-il pas venu pour que les cœurs s'adoucissent et craignent leur Seigneur lorsque le nom d'Allah est évoqué? C'est-à-dire, le Coran. Le moment n'est-il pas venu pour que les croyants, pour que les cœurs des croyants s'humilient devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal et suivent le Coran en se soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits et en suivant également ce qu'Allah Azza wa Jal y a fait révéler comme vérité à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un encouragement au fait de faire des efforts dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le livre révélé par Allah azza wa jal et la sagesse doivent amener le croyant à prendre en compte les exhortations divines d'Allah Azza wa Jal et de prendre en compte les jugements d'Allah Azza wa Jal à tout moment. Et chacun se doit de faire son propre examen et de juger sa propre personne sur cela. Puis Allah Azza wa Jal dit selon le sens: et de ne pas être comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps long. C'est-à-dire que les croyants ne doivent pas être comme ceux sur qui Allah Azza wa Jal avait révélé des livres. Des livres qui devaient faire en sorte que la crainte pénètre leur cœur et que leur soumission soit totale. Mais ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas été fermes dans cela. Puis le temps est passé et cette situation a perduré, et c'est alors que l'insouciance a pénétré leur cœur et leur foi s'est peu à peu dissipée et leur certitude s'est éteinte. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Ainsi les cœurs ont besoin à tout moment qu'on leur rappelle ce qu'Allah Azza wa Jal a fait révéler. Les cœurs ont besoin que l'on les exhorte avec sagesse. Et il n'est pas bon d'avoir un cœur insouciant, car le cœur insouciant cause la dureté du cœur et assèche les yeux qui ne pleurent plus pour la crainte d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves évidentes afin que vous raisonniez. Ainsi, les signes d'Allah Azza wa Jal orientent les raisons vers les demandes divines d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, celui qui a fait revivre la terre après sa mort est capable de faire revivre les morts après leur décès, et il est capable de les rétribuer selon leurs actions. Celui donc qui a fait revivre ou qui fait revivre la terre après qu'elle fut morte, celui qui l'a fait revivre avec l'eau de la pluie est également capable, subhanahu wa ta'ala, de faire revivre les cœurs morts par ce qu'il a révélé comme vérité à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, et il y a dans cette preuve, il y a dans ce verset, une preuve que celui qui n'est pas guidé par les signes d'Allah Azza wa Jal, que celui qui ne se soumet pas à la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est une personne qui est dénuée de raison. ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Il dit Azza wa Jal dans les versets 19 et 20 de Sourat Al-Hadid, selon le sens, ceux qui ont cru en Allah et à ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les martyrs auprès d'Allah. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. قال الشيخ سعد رحمه الله إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي الذين أكثر من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية وأقرضوا الله قرضا حسنا بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخرا لهم عند ربهم يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهم أجر كريم وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس. نعم, j'ai oublié de lire le 18e verset. نعم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Donc le cheikh explique les versets 18 et 19. Naam. Et moi j'ai lu 19 et 20. Donc le 18e verset, en vérité, ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. قال الشيخ السعد رحمه الله إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي الذين أكثروا من الصدقات الشرعية والنفقات المرضية وأقرضوا الله قرضا حسنا بأن قدموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخرا لهم عند ربهم يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهم أجر كريم وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس والذين آمنوا بالله ورسله والإيمان عند أهل السنة هو ما دل عليه الكتاب والسنة هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصديقون أي الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء وقوله والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كما ورد في الحديث الصحيح إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله رواه البخاري ومسلم رواه البخاري والإمام أحمد من حديث أبي هريرة وأخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم ورفعتهم وقربهم إلى الله عز وجل وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم إلى الله عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم فالمتصدقون الذين كان جل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذل النفع إليهم بغاية ما يمكنهم خصوصا بالنفع بالمال في سبيل الله والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله بقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عباده فهؤلاء مآلهم الجنة وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل. Donc Cheikh Saadi rahimahullah dit en expliquant les versets 18 et 19 de Sourat al-Hadid. Ceux et celles qui donnent beaucoup d'aumônes. Allah Azza wa Jal les a cités avec le tashdid. إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ pour montrer que ce sont des gens qui donnent beaucoup d'aumônes. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا et qui ont fait à Allah un prêt sincère. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont présenté leurs biens dans les voies du bien. Et ceci sera amassé pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Quelle est leur récompense ? Allah Azza wa Jal dit, cela leur sera multiplié. Ce qu'ils ont donné ou ce qu'ils ont prêté, eh bien, Allah Azza wa Jal décuplera leur récompense. La bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 700 multiples et bien plus encore. Et vous connaissez tous les mérites de donner de son argent fi sabilillah et le mérite également de prêter son argent fi sabilillah ou pour aider un musulman. Et dans le hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que celui qui prête une somme équivaut à avoir donné la moitié. Naam. Celui donc qui prête, par exemple, 1000 euros, eh bien, Allah Azza wa Jal lui donnera comme récompense, comme s'il avait donné de son argent, comme s'il avait donné 500 euros. Bien sûr, comme l'a dit Cheikh Saadi, la bonne action est multipliée par 10 au minimum, jusqu'à des multiples que seul Allah Azza wa Jal connaît. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Ils auront une généreuse récompense. Et cette généreuse récompense est ce qu'Allah Azza wa Jal leur a préparé au paradis, des choses que nul ne connaît. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Et ceux qui ont cru en Allah et en ses prophètes. Ceux qui ont cru. La foi chez les gens de la sunna, c'est tout ce qui est présent et tout ce qui est prouvé comme faisant partie de la foi dans le Coran et la sunna. La foi chez les gens de la sunna, c'est la parole du cœur et de la langue, et c'est l'action du cœur, de la langue et des membres du corps. Et ceci englobe donc l'ensemble des choses légiférées en islam, que ce soit des choses apparentes ou des choses cachées. C'est pour ça que le prophète sallam a considéré comme faisant partie de la foi le fait d'enlever un objet nuisible du chemin. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Que cela fait partie des degrés les plus bas de la foi. Donc que cela fait partie de la foi. Ainsi, le fait que tu vois une chose nuisible sur le chemin des gens et que tu l'enlèves afin de préserver les gens de ce mal, eh bien cela fait partie de la foi. Ainsi, ceux qui ont réuni toutes ces choses faisant partie de la foi, ce sont les grands véridiques. Et les grands véridiques, as-siddiqoun, c'est un degré qui est au-dessus du degré de croyant, mais en dessous du degré de prophète. Il y a donc les croyants, les siddiqoun et les prophètes. Et Allah Azza wa Jal dit: وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ. Et les martyrs auprès d'Allah, ils auront leur récompense et leur lumière. Et il est rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis 100 degrés. Entre 2 degrés, l'espace entre 2 degrés est comme ce qu'il y a entre les cieux et la terre, qu'Allah Azza wa Jal a réservé à ceux qui combattent dans son sentier. Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cela nous montre l'énorme degré et la place et le rapprochement qu'ont les martyrs d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès d'Allah azza wa jal. Puis il dit subhanahu: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là sont les gens de la fournaise. Cheikh Saadi rahimahullah dit: ces signes et ces versets englobent l'ensemble des catégories des gens. Il y a ceux qui donnent les aumônes, il y a les grands véridiques, les martyrs, les gens de l'enfer. Ceux qui donnent des aumônes, ce sont ceux qui ont pour la plupart du temps étaient bienfaisants envers les créatures. Et autant que cela leur était possible, ils faisait profiter les gens. As-Siddiqun, les grands véridiques, ce sont ceux qui ont parfait les différents degrés de la foi, ceux qui ont fait des œuvres vertueuses, ceux qui ont appris la science bénéfique, ceux qui possédaient une certitude véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux martyrs, ce sont ceux qui ont combattu dans le sentier d'Allah, afin que la parole d'Allah soit la plus haute, et ils ont dépensé dans cela leurs biens et leurs personnes. Ils sont morts dans cette voie, et Allah Azza wa Jal a cité les gens de la fournaise, qui sont les non-musulmans, ceux qui ont traité de mensonges les signes d'Allah Azza wa Jal. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, et il reste une catégorie de gens qu'Allah Azza wa Jal a cité dans Surat Fatir, qui sont al-muqtasidun. Qui sont al-muqtasidun? Ce sont ceux qui ont mis en pratique les obligations d'Allah, qui ont délaissé les interdits d'Allah, sauf que ils ont fait preuve de manquement vis-à-vis des droits d'Allah et des droits de ses serviteurs. Ceux-là, al-muqtasidun, leur destination sera le paradis, même si il est possible qu'ils subissent un certain châtiment de par les manquements qu'ils ont commis. ثم قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 20 et 21 de Sourate Al-Hadid. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et à ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه ويبين غايتها وغاية أهلها بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيد وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. Il dit, rahimahullah, Allah Azza wa Jal nous informe dans ces versets de la réalité de cette vie d'ici-bas et de ce à quoi elle amène. Allah Azza wa Jal, dans ces versets, nous montre le but de cette vie d'ici-bas et la finalité de ses habitants. Que cette vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction. Les corps jouent et les cœurs sont distraits. Et ceci est prouvé et véridique, car c'est la réalité que nul ne peut nier des habitants de cette terre. Tu les vois passer la majeure partie de leur temps dans la distraction des cœurs, dans l'insouciance vis-à-vis du rappel d'Allah Azzawajal. Ils sont insouciants également face à ce qui les attend comme promesse et comme châtiment. Tu les vois prenant leur religion comme jeu et distraction, ceci contrairement aux gens de l'éveil, à ceux qui œuvrent pour l'au-delà. Leurs cœurs sont pleins de rappel d'Allah Azzawajal. Leurs cœurs sont pleins de connaissance et d'amour d'Allah Azzawajal. Et ils passent la majeure partie de leur temps à œuvrer des adorations qui les rapprochent de leur Seigneur, des adorations et des œuvres qui leur apportent un intérêt personnel, mais également un intérêt général. وقوله وزينة أي تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه وغير ذلك وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفارقة الآخر وأن يكون هو الغالب في أموره في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا فنافس فيما يقربه إلى الله واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة. في الجي رحمه الله إلى parole d'Allah عز وجل vain parure. C'est-à-dire que cette vie d'ici-bas est une parure dans laquelle les gens embellissent leurs vêtements, leur nourriture, leurs boissons, leurs moyens de locomotion, leur maison, leur palais, leur rang et leur honneur et autres. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ Une course à l'orgueil entre vous, c'est-à-dire que chacun des habitants de cette terre veut surpasser l'autre. Il veut être le plus fort. Il veut être la personne décisive, celui qui sera le plus connu. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ Une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Chacun veut être celui qui a le plus d'argent et le plus d'enfants. Et ceci est clairement évident dans l'état et la situation de ceux qui aiment cette vie d'ici-bas et qui y trouvent leur apaisement. Contrairement à celui qui connaît véritablement cette vie d'ici-bas, celui qui en connaît la réalité, celui qui fait de cette vie d'ici-bas ou celui qui considère cette vie d'ici-bas comme une étape et non pas comme un lieu de résidence. Ainsi, il se concurrence dans ce qui les rapproche d'Allah. Et ils prennent comme moyen ceux qui les amènent à Allah Azza wa Jal. Et lorsque ces personnes, c'est-à-dire celles qui connaissent la réalité de cette vie d'ici-bas, lorsqu'ils ont en face d'eux des personnes qui les concurrencent dans les biens et dans les enfants, eh bien, ils répondent à cette concurrence par des œuvres vertueuses. ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباته الكفار الذين قصروا هممهم ونظرهم إلى الدنيا جاءها من أمر الله ما أتلفها فهاجت ويبست فعادت على حالها الأولى كأنه لم ينبت فيها خضراء ولا رؤى لها مرأى أنيق. كذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهما أراد من مطالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة، إذ أصابها القدر بما أذهبها من يده وأزال تسلطه عليها أو ذهب به عنها، فرحل منها صفر اليدين، لم يتزود منها سوى الكفن، فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. فيلجي رحمه الله، في الله عز وجل أدني الإكزامبل، أدني الميتافور de cette vie d'ici-bas et la comparé à une pluie qui descend sur terre, puis qui se mélange à la végétation, qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et lorsqu'elle étonne les cultivateurs par sa quantité et par sa beauté, ceux qui ne regardent que cette vie d'ici-bas et ne se fixent qu'à celle-ci jusqu'à ce que le commandement d'Allah vienne pour détruire, dessécher cette végétation qui redevient comme elle était auparavant, comme si aucune verdure n'y avait poussé, comme si elle n'avait jamais eu d'apparence gracieuse. Ainsi est la vie d'ici-bas. Alors qu'elle est belle et qu'elle apparaît fleurie auprès de celui qui y habite, tout ce qu'il désire, il l'obtient, quelle que soit la chose vers laquelle il se dirige, il trouve les portes ouvertes jusqu'à ce que le destin vienne et lui ôte ce qu'il possède, jusqu'à ce que le destin vienne et enlève le pouvoir qu'il avait, ou bien alors lorsque le destin vient et l'expulse de celle-ci. Il quitte alors cette terre, les mains vides, et ne possédera de cette terre que son linceul. وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين، إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه، فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله. وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات ورضوان من الله، يحل من أحله به دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات، لا يغتر به ولا يطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. فيلجي رحمه الله، quant aux œuvres de l'au-delà, ce sont elles qui seront véritablement bénéfiques. Et ce sont les œuvres que tu accomplis pour l'au-delà qui seront ramassées et amassées pour toi. Et ce sont ces œuvres que tu accomplis pour l'au-delà qui t'accompagneront à jamais. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi pardon et agrément d'Allah. C'est-à-dire que la situation dans l'au-delà ne sort pas de ces deux cas de figure. Soit un châtiment douloureux dans le feu de Jahannam, dans ses carcans, ses chaînes, ses supplices et ses effrois, pour celui pour qui la vie d'ici-bas était son but ultime. Celui qui a commis les interdits d'Allah, celui qui a traité de mensonges les signes d'Allah, et celui qui a été ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Soit cet au-delà sera un pardon de la part d'Allah, un pardon à travers lequel Allah Azza wa Jal effacera les péchés et ôtera le châtiment, un pardon qui permettra aux serviteurs de bénéficier de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, la satisfaction qui le fera entrer dans la terre des délices. Pour celui qui connaissait la réalité de la vie d'ici-bas et qui utilisait cette vie d'ici-bas comme un cheminement vers l'au-delà. Tout ceci doit nous pousser à faire preuve d'ascétisme dans cette vie d'ici-bas et à accourir vers l'au-delà. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ » Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. C'est-à-dire que la vie d'ici-bas n'est que des biens matériels dont l'on jouit et dont l'on profite afin d'obtenir et de subvenir à nos besoins. Et n'est dupé et ne trouve sa tranquillité dans cette vie d'ici-bas que ceux qui sont faibles d'esprit, ceux que le trompeur, c'est-à-dire le diable, a induit en erreur sur Allah Azza wa Jal. ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومظانها والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح والحرص على ما يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أي هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه طرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم من أعظم منته على عباده وفضله والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. Puis il dit, rahimahullah, Cheikh Sa'di, puis Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous concurrencer les uns les autres dans le pardon d'Allah, dans la satisfaction d'Allah et dans le paradis d'Allah. Et ceci, ce cheminement, est de cheminer vers les causes de du pardon et du repentir sincère. De s'éloigner des péchés et des endroits dans lesquels il se trouve, de se concurrencer dans la satisfaction d'Allah à travers des œuvres pieuses, de s'efforcer de satisfaire Allah Azza wa Jal de façon continuelle et non ponctuelle, d'être bienfaisant dans l'adoration d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire en accomplissant nos adorations de la forme la plus parfaite et en étant bienfaisant également envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah Azzawajal a cité les actes qui amènent cela, c'est-à-dire qui permettent d'obtenir le pardon d'Allah et la satisfaction d'Allah et le paradis d'Allah. Il dit Azzawajal, et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre qu'Allah, qui ont été préparés pour ceux qui ont cru en Allah et en ses envoyés. Et la croyance en Allah et en ses envoyés entre dans cette parole les bases de la religion ainsi que les branches de la religion. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Ceci est une grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. C'est-à-dire ce que nous vous avons expliqué, ce que nous vous avons cité comme chemin qui amène au paradis et comme chemin qui amène en enfer. Et que le mérite d'Allah est caractérisé par une récompense immense. Wallahu dhul fadli al-azim. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Allah Azzawajal est le détenteur de l'énorme grâce. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut louer comme il le mérite, Azzawajal. Et quelles que soient les louanges que font ses serviteurs, Allah Azzawajal, ils ne le loueront jamais comme il le mérite, subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.